qui m'importe évidemment sinon ça. Seulement tout qui m'apporte des échos de ta voix. Ce vent-là qui me dit la douloureuse absence et le manque de toi. Ce vent-là me tourmente. Est-ce le vent encore, est-ce mon cœur qui bat à serrer dans mes bras le vide surprenant. Attends, était le vent en désespoir de toi. Je ne sais plus très bien qui de lui ou de moi a ouvert devant la porte en espérant des fois. Je ne sais plus très bien qui de lui ou de moi a ouvert devant la porte en espérant des fois.